Deuxième partie. À la réception de l'Hôtel du Nord. Bonjour, mademoiselle Delon. Vous allez rester à Paris longtemps? Non, pas très longtemps. Combien de temps? 3 semaines en tout. Connaissez-vous beaucoup de monde à Paris? Non. À vrai dire, je ne connais presque personne. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Vous allez sortir? Oui. Écoutez, mademoiselle, je suis libre cet après-midi. Est-ce que vous me permettez de sortir avec vous si vous n'avez rien de spécial à faire? Avec plaisir. Vous êtes sûr? Je voudrais bien pouvoir vous accompagner. Je veux bien. Il y a tant de choses intéressantes à voir à Paris. Mais d'abord, avez-vous déjeuné? Non, pas encore. Moi non plus. Alors, je vais vous montrer un restaurant bien.